Bonjour, je suis Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massages intuitifs et créatifs. Le massage, ça se vit, ça se ressent, mais je relève un défi, vous en parler. Je constate que dans notre culture occidentale, ma pratique reste méconnue. Le massage, en général, on en a une idée. On connaît des noms de massages plus ou moins exotiques, le kiné en fait parfois. En voyage, certains hôtels en proposent, l'imaginaire galope. Mais finalement, rares sont ceux qui ont déjà décroché leur téléphone pour prendre un rendez-vous chez un ou une praticienne spécialisée en massage. Bien installés dans notre quotidien, nos esprits fourmillants, notre corps suit. Pourquoi le masser, lui offrir un toucher conscient, sain, nourrissant? Pour te répondre, je vais te raconter ici des histoires inspirées de ce qui se vit entre mes mains. La confidentialité est bien sûr respectée, même si certains se reconnaîtront peut-être. Il y a de vous et de moi dans mes mots. Allez, je t'emmène dans ma bulle. Épisode 6. Soutien. Jeudi, 11h. Tu es une femme, 28 ans. Dernière ligne droite de ta grossesse, terme théorique dans un mois. Dans ma tête, des voyants qui clignotent, pas ci, pas ça, éviter de déclencher une naissance prématurée en stimulant certains points d'acupuncture. Ton besoin est clair. Ta maman est loin, à des milliers de kilomètres, et elle ne va pas pouvoir te masser comme lors de ta première grossesse. Elle te manque. Le massage, ça vous a toujours relié, c'est une habitude chez vous. Et puis tu en as assez d'enchaîner les rendez-vous gynéco où on oublie que derrière ton gros ventre, il y a toi. Tu as besoin d'être coucouné vraiment. Je te propose de te masser au sol pour que tu puisses bouger à ton aise. Ça me permet aussi d'installer plein de coussins tout autour de tes courbes et de les changer de place au cours du massage. Je crée une bulle moelleuse. J'accueille entre mes mains deux personnes, toi et le bébé que tu portes. Me voilà mère et grand-mère de substitution pour quelques minutes. Mon toucher est léger et enveloppant. C'est toi qui me guides. J'ai besoin d'une main là, tout en bas de mon dos, ça tire. Ah oui, ça me fait du bien, votre main sur ma tête. Je m'attarde sur tes mains. Tu me parles de ta maman. Elle t'a appris à masser ton premier bébé. Tu es émue, tu as peur de ne pas y arriver avec ce deuxième bébé loin d'elle. Alors on refait le chemin de tout ce que tu as appris avec ton aîné. Tu prends conscience de tes super pouvoirs de super maman. Au moment de se quitter, tu me demandes si on peut se prendre dans les bras, tu as besoin d'un gros câlin. J'y mets tout mon amour. L'histoire que je viens de te raconter est une expérience de massage parmi d'autres, plus particulièrement un massage intuitif, mon approche, centrée sur toi, l'humain, avec beaucoup de liberté, de créativité et d'adaptation. En quoi ce récit t'a-t-il touché? Qu'en retiens-tu? Ferme les yeux, fais le tour de toi, de ton corps, ta vie, et complète la phrase. Demander un massage me ferait du bien pour... Avec ce podcast, tu as découvert la source massage. Je t'invite à y venir dès que tu en ressens le besoin. Retrouve-moi sur Internet, Facebook, Deezer, Spotify, YouTube, en tapant les massages de Véronique. À très vite pour un nouvel épisode.